Le lendemain, même heure, même endroit. Les chaussures d'Estragon, le chapeau de Lucky sont à la même place. L'arbre porte quelques feuilles. Entre Vladimir vivement. Il s'arrête et regarde longuement l'arbre. Puis, brusquement, il se met à arpenter le terrain dans tous les sens. Il s'immobilise à nouveau devant les chaussures, se baisse, en ramasse une, l'examine, la renifle, la remet soigneusement à sa place. Il reprend son va-et-vient précipité. Il s'arrête à droite, regarde longuement au loin, la main en écran devant les yeux. Va à gauche, s'arrête brusquement, joint les mains sur la poitrine et rejette la tête en arrière. Un chien va dans... Un chien va dans l'office et prit une andouillette. Alors, à coup de louche, le chef le mit en miettes. Les autres chiens se voyant, vite, vite l'ensevelit. Les autres chiens se voyant, vite, vite l'ensevelir au pied d'une croix en bois blanc, où le passant pouvait lire. Un chien vint dans l'office et prit une andouillette. Alors, à coup de louche, le chef le mit en miettes. Les autres chiens se voyant, vite, vite l'ensevelir. Les autres chiens se voyant, vite, vite l'ensevelir. Vite, vite l'ensevelir. Il se remet à arpenter fébrilement le terrain dans tous les sens. Il s'arrête à nouveau devant l'arbre, va et vient devant les chaussures, court à gauche, regarde au loin, à droite. À ce moment, Estragon entre par la gauche, pieds nus, tête basse, et traverse lentement. Vladimir se retourne et le voit. Encore toi ? Viens que je t'embrasse. Ne me touche pas. Veux-tu que je m'en aille? Gogo. On t'a battu, Gogo. Où as-tu passé la nuit? Ne me touche pas, ne me demande rien, ne me dis rien. Reste avec moi. Est-ce que je t'ai jamais quitté? Tu m'as laissé partir. Regarde-moi, regarde-moi, je te dis. Estragon lève la tête. Il se regarde longuement, en reculant, avançant et penchant la tête comme devant un objet d'art, tremblant de plus en plus l'un vers l'autre, puis soudain s'étreignent en se tapant sur le dos. Fin de l'étreinte. Estragon, n'étant plus soutenu, manque de tomber. Quelle journée ! Qui t'a esquinté ? Raconte-moi. Voilà encore une journée de tirée. Pas encore. Pour moi, elle est terminée, quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, tu chantais. Je t'ai entendu. C'est vrai, je me rappelle. Ça m'a fait de la peine. Je me disais, il est seul, il me croit parti pour toujours, et il chante. On ne commande pas son humeur. Toute la journée, je me suis senti dans une forme extraordinaire. Je ne me suis pas levé de la nuit. Pas une seule fois. Tu vois, tu pisses mieux quand je ne suis pas là. Tu me manquais, et en même temps, j'étais content. N'est-ce pas curieux ? Ça n'est peut-être pas le mot. Et maintenant ? Maintenant, te revoilà. Nous revoilà. Me revoilà. Tu vois, tu vas moins bien quand je suis là. Moi aussi, je me sens mieux seul. Alors pourquoi répliquer ? Je ne sais pas. Mais moi, je le sais parce que tu ne sais pas te défendre. Moi, je ne t'aurais pas laissé battre. Tu n'aurais pas pu l'empêcher. Pourquoi ? Ils étaient 10. Mais non, je veux dire que je t'aurais empêché de t'exposer à être battu. Je ne faisais rien. Alors, pourquoi ils t'ont battu ? Je ne sais pas. Non. Vois-tu, Gogo, il y a des choses qui t'échappe, qui ne m'échappe pas à moi. Tu dois le sentir. Je te dis que je ne faisais rien. Peut-être bien que non, mais il y a la manière. Il y a la manière si on tient à sa peau. Enfin, ne parlons plus de ça. Te voilà revenu et j'en suis bien content. Ils étaient 10. Toi aussi, tu dois être content au fond, avoue-le. Content de quoi? De m'avoir retrouvé. Tu crois? Dis-le, même si ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois te dire? Dis, je suis content. Je suis content. Moi aussi. Moi aussi. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content? On attend Godot. C'est vrai. Il y a du nouveau ici depuis hier. Et s'il ne vient pas? Nous aviserons. Je te dis qu'il y a du nouveau ici depuis hier. Doucette. Regarde-moi l'arbre. On ne descend pas deux fois dans le même puits. L'arbre, je te dis, regarde-le. Il n'était pas là hier. Mais si tu te rappelles pas, il s'en est fallu d'un cheveu qu'on ne s'y soit pendu. Oui, c'est juste qu'on ne s'y soit pendu. Mais tu n'as pas voulu. Tu ne te rappelles pas? Tu l'as rêvé. Est-ce possible que tu aies oublié déjà? Je suis comme ça, ou j'oublie tout de suite, ou je n'oublie jamais. Et Pozzo et Lucky, tu as oublié aussi? Pozzo et Lucky. Il a tout oublié. Je me rappelle un énergumène qui m'a foutu des coups de pied, ensuite il a fait le con. C'était Lucky? Ça, je m'en souviens, mais quand c'était? Et l'autre qui le menait, tu t'en souviens aussi? Il m'a donné des os. C'était Pozzo! Et tu dis que c'était hier? Tout ça? Mais oui, voyons. Et à cet endroit? Bah, bien sûr, tu ne reconnais pas. Reconnaître? Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? J'ai tiré ma roulure de vie au milieu des sables et tu veux qu'il voie des nuances? Regarde-moi, cette saloperie! J'en ai jamais bougé. Du calme, du calme. Alors fous-moi la paix avec tes paysages. Parle-moi du sous-sol. Tout de même, tu vas pas me dire que ça ressemble au Vaucluse. Il y a quand même une grosse différence. Le Vaucluse. Qui te parle du Vaucluse? Bah, t'as bien été dans le Vaucluse. Mais non, j'ai jamais été dans le Vaucluse. J'ai coulé toute ma chaude piste d'existence ici, je te dis. Ici, dans la mer de Cluse. Pourtant, nous avons été ensemble dans le Vaucluse. J'en mettrai ma main au feu. Nous avons fait les vendanges, tiens, chez un nommé Bonelli, à Roussillon. C'est possible, je n'ai rien remarqué. Mais là-bas, tout est rouge. Je n'ai rien remarqué, je te dis. Tu es difficile à vivre, Gogo. On ferait mieux de se séparer. Tu dis toujours ça et chaque fois tu reviens. Pour bien faire, il faudrait me tuer, comme l'autre. Quel autre? Quel autre? Comme des billions d'autres. À chacun sa petite croix. Pendant. Le petit pendant. Et le bref après. En attendant, essayons de converser sans nous exalter puisque nous sommes incapables de nous taire. C'est vrai, nous sommes intarissables. C'est pour ne pas penser. Nous avons des excuses. C'est pour ne pas entendre. Nous avons nos raisons. Toutes les voix mortes. Ça fait un bruit d'ailes. De feuilles. De sable. De feuilles. Elles parlent toutes en même temps. Chacune à part soi. Plutôt, elle chuchote. Elle murmure. Elle bruisse. Elle murmure. Que disent-elles? Elles parlent de leur vie. Il ne leur suffit pas d'avoir vécu. Il faut qu'elles en parlent. Il ne leur suffit pas d'être mort. Ce n'est pas assez. Ça fait comme un bruit de plumes. De feuilles. De cendres. De feuilles.